à foutre vos têtes d'affiche. Je n'avais qu'un seul souhait, faire un feat avec Michael et son bassiste. Brut, Monsieur X, D-I-N. On change pas la donne. Ok. Le rap ne me parle plus. Ras-le-bol, je crois que je vais finir barbu. Les pieds chez l'album, t'as piché sale conne. Ou bien, tu vas payer la com. Le seum coûte donc qu'il revienne à la com. Moi je la fais gratis, du petit gramme à la tonne. Pas en mode practice, mais en proche practice. Avec des êtres actifs qui ont nos gros à la pomme. J'ai le rap qui marque le tien comme Iceberg Slim. Les textes qui pèsent lourd sur un Piper Slim. J'ai rap en qu'un repeaties. Les références sont du Queen, ça peut être Billie Jean. Même parle pas de Bee Gees. C'est des IN ici, c'est quoi les Jeezy? Y'a pas de bail, c'est que c'est easy. Fais ça, remonte ton fuite et fous ta queue sur tes jambes. C'est pas du rap de fissage, ni du rap de légende. Salam alaikum, Masta, Malamou. Dans ce rap game, je vous fais la guerre, pas l'amour. Rien à foutre vos têtes d'affiche, je n'avais qu'un seul rêve, faire un feat avec Michael et son bassiste. Narcissique, thriller, D-I-N, dealer. The King of Rap, c'est nous, thriller. Touche à ma musique, t'en paieras les conséquences. Parle sur mon équipe et t'inquiète sur ton cas, on se penche. Petit, c'est ici le vrai rap, bon sang. Faut que je te le répète ou alors j'y mette l'accent. Okay. C'est fit, personne, la famille est au complet. Nous tends pas la main, je vais finir par te la couper. J'espère que ton rap est assuré tout risque. Panique pas, je suis que passage dans ce game. Comme un simple touriste, sorti du congèle, beaucoup plus lourd qu'un iceberg. La saga c'est narcissique, va le dire à Stéphane Berg. Monsieur X Brutti, combinaison parfaite. Essaye un peu de faire mieux, je te dirai Psartek. J'ai mis la barre, un petit chouïa trop haute. J'ai pondu ce texte en tenue d'astronaute. Mon rap prend du poids et fait plaisir au mien. Pendant que le vôtre subit un régime draconien. Allez vous faire baiser de façon. Dans pas longtemps je séquestre une tête d'affiche et je réclame une grosse rançon. Salam alaikum, Masta, Malamou. Dans ce rap game je vous fais la guerre pas l'amour. Rien à foutre vos têtes d'affiche. Je n'avais qu'un seul rêve, faire un feat avec Michael et son bassiste. Narcissique, thriller, D-I-N, dealer. The King of Rap, c'est nous, thriller. Touche à ma musique, t'en paieras les conséquences. Parle sur mon équipe et t'inquiète sur ton cas, on se penche. D-I-N, Mafia Z, forcément tu sens les coups. On déboule boule à Z, donc nous cherche pas le pouls. La musique, censée adoucir les mœurs, hein. Nous on s'en sert pour commettre des meurtres, hein. Brut, t'as remarqué que je répète souvent mon blase. Pour que tu l'imprimes du haut de ton crâne à tes omoplates. Ton rap de petite pute, petite tube, ça ne va vraiment pas. Pour la table du fond, barman sert l'heure de l'eau plate. Mon couplet n'a rien d'un conte du genre fait clochette. C'est narcissique, donc la frime en est le concept. On rappe en famille, devant un bon plat tiède et de ma kemba. Un femme staff, la belle de ma demba. Range bique et caillé. MC, on a crié, tu n'avais pas grand chose dans le caillou. D-I-N-R-E-N, Monsieur X, Brut, on ne change pas l'équipe, narcissique. Salam alaikum, Masta, Malamou. Dans ce rap game, je vous fais la guerre, pas l'amour. Rien à foutre vos têtes d'affiche, je n'avais qu'un seul rêve, faire un feat avec Michael et son bassiste. Narcissique, thriller, D-I-N, dealer. The King of Rap, c'est nous, thriller. Touche à ma musique, t'en paieras les conséquences. Parle sur mon équipe et t'inquiète sur ton cas, on se penche. Salam alaikum, Masta, Malamou. Dans ce rap game, je vous fais la guerre, pas l'amour. Rien à foutre vos têtes d'affiche, je n'avais qu'un seul rêve, faire un feat avec Michael et son bassiste. Narcissique, thriller, D-I-N, dealer. The King of Rap, c'est nous, thriller. Touche à ma musique, t'en paieras les conséquences. Parle sur mon équipe et t'inquiète sur ton cas, on se penche. Narcissique, Monsieur X, Brut, D-I-N, dans la maison, MTB, encore une boucherie, infâme staff family, ok. Ok.